La cigale et la fourmi. La cigale, qui est une petite connerie d'insecte qui est grosse comme ça, il avait rien à bouffer. Alors qu'est-ce qu'elle fit? Elle réfléchit dans sa forêt intérieure. Il va voir sa voisine qui habite deux tarois bicoque et petit pépli loin. Mais il passe par derrière la première bicoque parce qu'il doit du pognon. Puis après, il fait un trou, fait une sorte de labyrinthe, fait attention à la naphtaline. Et il arrive chez la formée, frappe la porte. S'il vous plaît. Qui est là? C'est Mawa. Qui est Mawa? C'est Mawa. Mais qui est Mawa? C'est Mawa. Ah, c'est Tawa, hein? Qu'est-ce qui te vaut? Je viens juste dire bonjour, comme ça. C'est mignon chez toi, hein? Pète, hein? Très joli, hein? T'as beau petit jardin avec Blanche-Neige, les sept nains, les champignons. T'as aussi les kits bouteilles dans les allées. Le puits avec les pneus, tout ça. Très joli. T'as une belle salle de bain avec les poulets dans la baignoire, tout ça. Très joli, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est cool. Voilà, je disais bonjour. Bon, allez, maintenant, faut... Oh. Pendant que je suis sur le pas de la tente, me vient une idée sur Bractesmon. Est-ce que tu pourrais pas me prêter tous tes pots de pognon, s'il vous plaît? Tu veux des pognons? Voilà. Fourca tes pofias. Fourca tes pofias, c'est tout. D'abord, je vais te dire une chose. Qu'est-ce qu'il te faut dire l'été dernier? Comment j'étais ravaillé tout le temps? Hmm? Qu'est-ce qu'il te faut dire? Tu vas m'expliquer? Tu faut dire rien du tout. C'est tout. Tu veux acheter une voiture. Tu veux acheter une dauphine. Tu n'es pas content de la dauphine. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu la laisses au coin de la rue, tu rachètes une simcramel pigeon. Turbo. Avec des décmaniers tout partout. John Donald, Big John, Captain Haddock, Tete Milo, Marsupil Ami, Leclerc Rogue, Goldor Asme. T'avais la queue de David, correct et ton rétroviseur. Les anti-barouillards, klaxonnent la musique contemporaine. T'avais aussi sur le siège arrière, siège avant la peau de la tigresse. Les volants avec la fourrure. T'avais aussi sur le pare-brise un autocollant pour, contre, le soleil, AS Football Club Viljaouef. Et maintenant, tu demandes de pognon. Alors moi, j'étais dit, fourca tes pofias, c'est tout. Allez, fourcona, dénero, bocna, tazom, mocna, tenom. Possible. Qu'est-ce qu'il fait la pauvre petite Sega? Al. Il erre dans la nature. Il faut l'herbe menée. La reine bouffie. Et carême. Par contre, la formée reste à l'intérieur. Il n'est pas con la formée. Reste à l'intérieur et terre. Tous les jours et terre. Tous les jours et terre. Tous les jours et terre. Nadinomokrazuki. Terre. 10 jours par semaine. La vérité, si je veux. Passe des coups de balle tout partout. Gagne de pognon. Et là, c'est ton aspirateur. Bulldozer. Tout ce qui te... Taravaille tarot, il bouffe tarot. Il joue au tarot. Tout ce qui te vaut. Il bouffe des couscous canigo, des couscous ronron, couscous fido, couscous... Qui t'écarte le dimanche pour changer. Pour les enfants, tout ça. Bouffe tarot, taravaille tarot. Qu'est-ce qu'il a? Problème médical. Infarctus de myocarde. Carrève aussi. Mort, alité, sur un lit de con. T'es beauf pas? T'es carré quand même.